On va parler des saignées de Chicoutimi avec notre ami Sébastien Morin. Salut, salut Seb. Salut. Seb, trois matchs en fin de semaine, évidemment, cette semaine, depuis la dernière chronique. On va parler d'abord du premier match 5 à 1. Coudon, les Sags contre l'Océanique de Rimouski au centre Georges Vézina, c'est difficile, hein? 6 de suite pour l'Océanique. Oui. Ça date depuis plusieurs années. Ça s'est résorbé un peu sur la route. La Rimouski et les Sags ont commencé à remporter des matchs dernièrement. Et à la maison, le CNA était souvent le numéro des Sags. C'était un match en plein milieu de semaine, c'était le premier. C'est une grosse séquence. Il y a des blessures qui commencent à s'accumuler chez les Sags. Peut-être qu'il y a des jeunes joueurs qui ne sont pas habitués à rythme aussi effréné de hockey, des matchs difficiles à jouer, des adversaires aussi difficiles. Classement qui est très, très, très serré dans la LGMQ. Peut-être qu'il y en a qui commencent à avoir les jambes un peu plus lourdes, puis la tête un peu plus pleine, moins à l'aise sur la patinoire, la période de transaction qui débute dans le pognon. C'est des facteurs qui peuvent justifier, je dirais, à des contre-performances des Sags. Le fait de 5 à 1, la finale dynamique contre l'Océanique, ça n'a pas été de tout repos. Michael Joly, qui a été excellent à son avant-dernier match avec l'Océanique avant de passer ce qu'on a eu l'autre, ça n'a pas été un match facile pour les Américains. Oui, OK. On va parler maintenant du match qu'on a vu à TVA Sport. On a tous vu ça contre Gatineau, qui connaît une bonne année. Les Sags se sont très, très bien battus contre les Olympiques de Gatineau. Et encore là, c'est toujours difficile de les jouer du côté de l'Arena Robert-Gatineau. Gatineau, c'est un public qui est hostile, c'est une foule qui est participative pendant les matchs. Benoît Gros est un entraîneur excessivement intense. Ses joueurs le sont aussi par défaut, ils n'ont pas le choix. Sinon, ils ne joueront pas pour Benoît Gros. Ils ne joueront pas longtemps pour Benoît Gros. La première période, les Olympiques sont sortis excessivement rapides, physiques. Les Sacs qui ont réussi à contrer les attaques, ça a été très serré. Ça a été un match qui a été, je dirais, un jeu d'échecs, presque une partie de football, stratégie. On avançait dans le terrain, on se positionnait dans le territoire adverse, on jouait physique pour aller chercher la rondelle dans les coins. On a réussi à délivrer la marque avec une minute à faire en troisième chez les Sacs, alors qu'il n'y avait plus de gardien. Défaite en tir de barrage et que dire de performance de Xavier Potvin. C'est une place qui n'est pas facile à aller jouer. Il n'a pas eu des bonnes performances dans les derniers matchs. C'était important pour lui, puis il l'a fait. Il a remporté d'ailleurs la première étoile, malgré les trois buts accordés en temps réglementaire contre les Olympiques. Ça a été une belle performance. Je ne pas demain avant les de dis-moi, les Olympiques, l'Arena Robert-Gartin, ça a été, depuis quelques années, c'était vraiment année après année. C'était difficile à jouer à Hall. Les Olympiques, dans le temps de Charlie Henry, c'était vraiment une bonne organisation. Moi, j'ai su, parce que j'ai fait le voyage avec quelqu'un qui cet été qui est près des Olympiques, puis il me disait que il manquait un peu de stabilité cette année. Est-ce que ça se replace? La fiche est bonne, donc est-ce qu'on a plus de stabilité cette année chez les Olympiques? Oui, je pense pas qu'on doit s'attendre à beaucoup de mouvements personnels. Ouais. Il y a peut-être Yann Tamel Laplante qui va quitter pour des jeux meilleurs. C'est un joueur de 20 ans qui a une belle valeur, c'est assez rare cette année. Je pense pas que les Olympiques aspirent aux grands honneurs cette saison, mais dans les prochaines années. Mais en fait, c'est continué, les Olympiques. C'est très, très rare qu'ils connaissent des défaillances en saison régulière. D'habitude, c'est au minimum le rôle de série des fois deux. Benoît Gris coach son équipe de façon brillante. Il n'aime pas beaucoup changer son alignement quand il y a des joueurs qui l'ont sous la main. Je pense qu'il réussit à se bâtir une équipe quand même assez plus vite et rapide pour avoir du succès dans la LGMQ cette année. Et peut-être qu'on gardien de vie, là. Bernard, oui, c'est bien beau. Elle connaît du succès, je ne sais pas s'il va être capable de compter sur lui jusqu'à la fin de ses éliminatoires cette année. Pas beaucoup de changements pour Benoît Gris, pas beaucoup de changements pour les Olympiques, je pense, cette année, encore vu de la stabilité. Les Olympiques qui sont sur un nouvel amphithéâtre, c'est le fun d'aller détruire des matchs du côté de Gatineau, mais les installations de hockey, ça date de Max Zalem. Sans dire que je disais qu'il y a l'air d'un amphithéâtre récent et rénové et tout neuf, presque 100 vidéos de l'année. Parce qu'on croit du côté de Gatineau à chaque fois qu'on reste. Et Blainville-Boisbriand, pas grand chose à dire. Bon, écoute, performance, c'est Michel Leduc dans les médias. On prend les papiers, on le chiffonne, puis on s'active de base. Rien à dire à part la performance de Brouillet du Lyon. Vu qu'il était du brillant du gardien des Sages, ça aurait pu terminer 10-0 ce match-là. Jeune de Joël Bouchard qui était simplement partout, vu les Sages du Lyon étaient tout simplement nulle part. Il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné. Écoute, c'était 3-4 tirs dans les premières minutes, c'est presque en première période. C'était un match de moins de 15 tirs pour les vieux, pour les jeunes de Joël. C'était pas le fun, c'était pas une belle performance. Mais en même temps, la veille, un gros match émotif. On a été beaucoup d'énergie. absence pour le match de samedi, il y avait Alexandre Jacob, qui lui sera pas là cette semaine. Nicolas Roy s'est entraîné avec ses coéquipiers hier et ce matin, donc il devrait être de l'alignement ce soir du côté du directeur de Bill Comeau. Ça, c'est pas trop grave, mais il y a d'autres blessés à plaisir, mais sur la ligne de l'équipe maintenant. On a aussi beaucoup d'énergie, ça a été difficile samedi. J'ai hâte de voir la suite des choses, mais pas grand chose à dire du match de la performance des Chers contre la navette de Ville-de-Brien. La défaite de 4-0 samedi soir. OK. Hey, ça, Sébastien, tu nous as parlé en début d'intervention, la date limite des échanges approche. Est-ce que tu entends parler à gauche et à droite si Yannick Jean va être très actif? D'habitude, il y a des rumeurs qui commencent à circuler pas mal à ce date. Est-ce que tu entends parler à gauche et à droite? Qu'est-ce que tu entends? Ben, c'est ça, il y a des joueurs convoités chez les Canadiens. On s'informe beaucoup des gens de défenseurs sur le sont disponibles. À ce que je sais, il n'y en a pas de disponibles présentement, mais tout s'achète dans la vie si on met le prix convenable. On est pas pour briller des liens. Peut-être qu'il y a 5 qui ne bougera pas sur les Nicolas Roy. Parce qu'on n'aura jamais le retour de l'investissement en fait qu'on a mis pour Nicolas Roy, c'est-à-dire des choix de première ronde puis l'Éric Léveillé. Pour ce qui est service sur l'envie, puis ce qui peut nous donner encore pour l'année prochaine, Nicolas Roy va faire partie de l'uniforme des Saguenay, devrait terminer sa carrière en bleu et en blanc, et avec le logo des messages en sirénant sur lui. On ne sait jamais, mais de ce qu'on dit, lui aussi est là pour l'avenir. Il devrait être de retour comme gardien de 20 ans l'an prochain avec les Saguenay, peut-être pour former un grand repêché du milieu 3 qui fait très bien présentement avec les élites des Antilles, seulement en passant. Pour les autres, ben, Gabriel Boudreau, c'est sûr, comme joueur de 20 ans, qui est capable d'avoir de l'impact dans une concession qui veut faire les grands ambitionnés entre les éliminatoires. Ça se peut qu'il soit échangé, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je suis le professeur du côté de l'Union Saint-Anne, puis c'est pas mal comme ça présentement. On commence le magasinage de Noël, on fait nos listes, puis ben, Noël, ça va arriver aux alentours du 19 décembre. Quand les matchs seront terminés, puis qu'on va débuter la période de transaction dans la LGMP. Je m'attends à beaucoup de mouvements cette année, parce que le classement est excessivement serré, et les équipes qui vont penser qu'ils sont capables de jusqu'au bout, malgré la domination des Huskies et des Cataractes de Shawinigan. OK. Ben, Sébastien Morin, très intéressant. On se reparle mardi prochain, puisque le lundi, c'est plus possible pour toi. Fait qu'on se reparle mardi. Sébastien Morin, le descripteur des matchs des Saguenay de Chicoutimi.